Je peux rouler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de brouillard arrière. Réponse C.